des syndicats, on n'a pas besoin d'être ça. Des syndicats, on n'a pas besoin d'être ça. Bienvenue parmi nous, chers partenaires et associés. Vous êtes un des rares humains de votre région à posséder un emploi privilégié. Vous commencerez lundi le 20 après 3 semaines de formation non rémunérée. L'uniforme est obligatoire et c'est vous qui allez le payer. Des syndicats? On n'a pas besoin d'être ça. Des syndicats? Oublie ça. Poste à 8 heures à tous les matins et vous serez payé à partir de 9 heures. Les pauses café, c'est pour les paresseux et on sait que vous n'en êtes pas un. Les journées de maladie, c'est pour les mauviettes. On vous a engagé parce que vous étiez en bonne santé. De plus, il est interdit de boire et de manger pendant les heures de repas. Les syndicats, on n'a pas besoin de ça. Les syndicats, on n'a pas besoin de ça. Les journalistes, quand ils vous disent que vous vous faites exploiter, vous êtes notre épine dorsale. Oui, vous êtes nos meilleurs. De la compagnie qui vous seront remises à l'âge de 65 ans. On nous reproche de créer de la pauvreté, mais c'est là la matière première de notre clientèle. Alors avec nous, vous ne manquerez jamais de vous.